J'apprécie chaque moment que la vie m'offre. Et voilà, je n'ai plus à regretter certaines choses de mon passé. J'ai envie de crier au monde entier que j'aime ma vie, que j'aime mes amis, et je préfère le dire au lieu d'attendre.